Un mot d'abord sur le nationalisme basque. Il a pratiquement toujours existé, et sans remonter trop loin, il suffit de rappeler la part importante qu'ont prise les Basques dans la lutte contre les militaires putschistes pendant la guerre civile. Ouais, ils l'ont payé très cher, hein, le bombardement et la quasi-destruction de Guernica, par exemple. La conséquence, c'est que nombre de ces Basques qui avaient combattu dans le camp républicain se sont réfugiés chez nous après la guerre. Mmh. Au Pays Basque? Principalement. Ouais. C'est de cette époque qu'est née l'idée de sanctuaire. En France, pays des droits de l'homme, les nationalistes basques espagnols pouvaient légitimement se sentir à l'abri. En outre, chez leurs frères du Nord, ils étaient assurés de recevoir soutien et hospitalité. Ouais, ils avaient la possibilité de passer aisément les Pyrénées, hein, pour mener des actions armées chez eux. Naturellement. Mmh. Alors, voyons cela plus précisément. Au début des années 1950, un groupe d'étudiants de l'université jésuite de Bilbao fonde un cercle d'études, l'EKIN, dont le but est de refonder le nationalisme basque tel qu'il a été exprimé au XIXe siècle par un certain Guari. Ouais, c'est le vrai fondateur du nationalisme basque. En effet. Ouais. C'est lui qui a inventé le terme d'Euskadi, qui signifie le pays de l'ensemble des Basques. Guari considérait donc que l'Espagne était une puissance occupante et il a fondé le parti nationaliste basque, le PNV. De façon un peu plus préoccupante, il a introduit le concept de race basque, mais il a essentiellement accordé une importance primordiale à la langue basque, l'euskara, qui permet selon lui de déterminer ce qui est basque et ce qui ne l'est pas. Là encore, on frise un peu le racisme. L'EKIN se situe donc d'emblée dans la lignée de Guari, mais abandonne heureusement le concept de race pour ne garder que la notion de culture symbolisée par le scara. Mais son objectif est aussi politique. Bien entendu. Ce que veulent ces jeunes intellectuels, plutôt classés à gauche et même à l'extrême gauche, c'est sensibiliser le Pays Basque et la Navarre à la notion d'indépendance, y compris les trois provinces françaises qui, selon eux, appartiennent à l'Euskadi. Et pour atteindre ce but, ils comptent s'appuyer sur le prolétariat, l'aile progressiste de l'Église et les mouvements de jeunesse. La suite, presque naturelle, c'est à la fin des années 1950, la création de l'ETA. Ouais, ce qui signifie ? ETA, ça veut dire en langue basque « Pays basque et liberté ». L'organisation est née par opposition au vieux parti indépendantiste, le PNV. Ouais, le parti nationaliste basque. Et est-ce que l'ETA passe immédiatement à l'action ? Non, pas tout de suite. C'est seulement à la fin des années 60 que les militants de l'ETA vont se livrer à des actions terroristes en Espagne. Mais les autorités franquistes, même si elles combattent avec férocité les indépendantistes, ne les prennent pas encore trop au sérieux. Tout va changer en 1973. Que se passe-t-il alors ? En décembre de cette année, la voiture de l'amiral Carrero Blanco, chef du gouvernement franquiste, saute sur une bombe. Un attentat minutieusement préparé qui prouve à l'évidence que ses auteurs ne sont pas des amateurs. L'acte est doublement symbolique. D'abord parce que c'est le président du Conseil qui est éliminé, donc le deuxième personnage de la dictature après Franco, mais aussi parce que Carrero Blanco a été longtemps le chef tout-puissant des services de renseignement espagnols. Ouais, donc le principal responsable de la lutte contre les indépendantistes basques. Et aussi de la politique de répression contre tous les républicains espagnols. Cet attentat a donc un grand retentissement. Non seulement le théâtre d'une façon spectaculaire fait preuve du professionnalisme de ses militants, mais sa lutte armée contre un régime dictatorial lui acquiert la sympathie des partis de gauche et plus généralement des démocrates dans le monde entier. Donc ça commence plutôt bien, même s'il y a eu mort d'homme. Hein. Trois morts, oui. Carrero Blanco, son chauffeur et un policier. Et disons-le tout de suite, cet attentat spectaculaire est aussi un acte fondateur pour le théâtre, même si ce mouvement révolutionnaire s'est signalé auparavant. C'est pourquoi je vous propose de revenir sur son passé, puis de voir ensuite en détail comment a été préparé l'attentat contre Carrero Blanco. Parce que je dois vous dire aussi que nombre de rumeurs ont couru à propos de cette action terroriste. Ouais, mais n'allons pas trop vite, n'est-ce pas ? Puisque c'est vous qui le dites. Un mot d'abord sur la situation du Pays Basque sous la dictature franquiste. La langue, l'euskara, était interdite, tout autant que les privilèges locaux qui existaient autrefois. Quant au parti nationaliste, le PNV, il était proscrit et ses cadres étaient emprisonnés ou s'étaient exilés. La conséquence la plus évidente, c'était que l'ETA était vue avant tout comme une organisation anti-franquiste. Et qu'elle bénéficiait de la sympathie des démocrates. Hein. Surtout en Europe, où l'on n'avait pas oublié que Franco avait été un allié objectif des nazis et des fascistes. jusqu'au jour où l'on se rendra compte, beaucoup plus tard, que l'ETA ne combattait pas seulement le régime parce qu'il était franquiste, mais parce qu'il était espagnol, tout simplement. L'État espagnol, non ? Oui, qu'il soit totalitaire, centriste, socialiste ou de droite. Ouais. Mais sous Franco, alors, il existait ce préjugé favorable en faveur de l'ETA ? Absolument. Alors, je vous ai dit que l'organisation était apparue à la fin des années 50. Son premier coup d'éclat se situe en juillet 1961. L'ETA tente de faire dérailler un train de militants franquistes. Le coup échoue. Mais il marque les esprits. C'est en tout cas la première action violente. Hein. Et ça entraîne de facto la rupture avec le PNV, beaucoup plus modéré. Quelques mois plus tard, l'ETA réunit la première assemblée de ses militants. Clandestinement, j'imagine. C'est évident. À l'issue de cette réunion, l'ETA publie une déclaration de principe et se définit comme un mouvement révolutionnaire de libération nationale. Est-ce qu'il y a une référence à l'action violente ? Pas directement, non. Mais on apprendra ensuite que lors de cette assemblée, il a été décidé de former des combattants professionnels armés, les Liberados. D'ailleurs, en 1962, dans son journal, Soutik, l'organisation clandestine peut écrire, je cite à peu près, que la violence est nécessaire et qu'elle doit être destructrice. Et les rédacteurs de se référer aux combats qu'ont menés les Congolais, les Algériens et aussi, plus curieusement, les Israéliens. Une remarque ici, si vous permettez. Je l'écoute, oui. Il faut observer qu'à la différence d'autres mouvements semblables, c'est l'organisation militaire qui s'est imposée d'emblée et a même précédé la naissance d'une structure politique. Et ça va marquer toute l'évolution ultérieure de l'ETA, où la priorité sera toujours accordée à la lutte armée. Et ça, c'est donc une particularité de l'ETA. En effet, la violence fait partie de son identité. Autre caractéristique notable, très tôt, l'organisation opte pour l'impôt révolutionnaire. Ouais, ce qu'en d'autres termes, on pourrait appeler le racket. Bon, si vous voulez. Les hommes d'affaires basques sont par conséquent sommés de payer en liquide une sorte de cotisation volontaire. Et gare à ceux qui refusent, ils sont menacés de mort. N'y aura-t-il effectivement des exécutions ? Tout à fait. Pour l'exemple, bien sûr, au moins 8. Mais les réfractaires courront aussi le risque d'être enlevés et détenus. Et le montant de cette cotisation, comme vous l'appelez pudiquement là, Il est calculé selon le chiffre d'affaires des sociétés. Ça peut aller de 30 000 à 600 000 euros. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Et l'organisation n'a jamais vraiment manqué d'argent. Pourtant, et là aussi, c'est encore une originalité de l'ETA, contrairement à d'autres mouvements clandestins qui ont pratiqué eux aussi l'impôt révolutionnaire, les militants basques n'en ont jamais profité pour se remplir les poches. Et la plupart d'entre eux ont vécu de façon très spartiate. Et même dans un dénuement le plus total. Ouais, des purs et durs. C'est bien ce qui apparaît. Non. Alors, la violence. En juin 1968, on assiste au premier affrontement entre l'ETA et la Guardia Civile. Dans l'affrontement, un policier est tué au cours de l'échange de coups de feu. Puis, degré supplémentaire, 2 mois plus tard, les indépendantistes basques commettent leur premier assassinat. Et n'ont pas choisi leur victime au hasard. Qui est-ce ? Un policier franquiste, Melitón Manzanas. Adversaire déclaré des communistes et des séparatistes, ce chef régional de la police politique a été formé par la Gestapo. Et il est connu pour sa violence et sa cruauté. En tout cas, le pouvoir réagit avec célérité et brutalité. Plus de 400 personnes sont arrêtées et près de 200 demeurent incarcérées. En même temps, Franco décrète l'état d'exception dans la province basque de Guipuscoa, là où exerçait le policier abattu. J'imagine qu'il y a ensuite un procès. En décembre 1970, oui, à Burgos. 16 et Taras, comme on les appelle désormais, vont donc être jugés pour l'assassinat de Melitón Manzanas. Auparavant, de nombreuses manifestations ont contraint le pouvoir, pour la première fois, à rendre ce procès public. Ce qui va permettre aux inculpés de s'exprimer et de dénoncer en particulier les actes de torture qu'ils ont subis en prison. Et le verdict ? 6 et Taras sont condamnés à mort. Ce qui déclenche aussitôt de nouvelles manifestations. En Espagne, mais aussi en Amérique latine et en France. Tant est si bien que Franco gracie finalement les condamnés. Oh ben c'est une victoire pour l'ETA alors. Bien évidemment. Et l'organisation indépendantiste va maintenant préparer son opération la plus audacieuse. L'assassinat du président du Conseil espagnol. Thank you. Au moment où le TA assassine le policier Manzanas, la tension est vive dans tout le Pays basque. Illustration avec ces quelques lignes extraites du livre de Jacques Masset, ETA, Histoire secrète d'une guerre de 100 ans. La torture est quotidienne dans les casernes de la garde civile et dans les commissariats. En 1969, 1953 personnes sont détenues sans jugement. Le Pays basque est soumis à un état d'exception quasi permanent. Mais en réaction, la résistance populaire au franquisme est de plus en plus clairement identifiée à l'ETA, renforçant chez ses cadres le sentiment de jouer ce rôle d'avant-garde qu'il revendique. Les coups portés par la police n'en sont que plus rudes. Entre la fin 1968 et avril 1969, l'essentiel de l'organisation issue de la 5e Assemblée est démantelé. Ses représentants s'étaient réunis pendant la Semaine Sainte de 1967 chez les jésuites de Guétaria. Ce détail confirme le rôle des couvents, des églises et des monastères à cette époque, avant que les prêtres sympathisants ne se défroquent et que les séminaires ne se vident de leurs étudiants radicaux. L'attentat, donc. Il est 9h30, ce 20 décembre 1973, quand l'amiral Luis Carrero Blanco sort de l'église des jésuites San François Borgia, située Cale Serrano. Il vient d'y entendre la messe, comme chaque matin. Ouais. Avant de poursuivre, un mot là sur cet éminent personnage du franquisme. Oh, c'est un homme discret et même secret. À la fin de la guerre civile, ce fils de militaire occupe de hautes fonctions à l'état-major. Et dès 1940, il est nommé sous-secrétaire à la présidence du gouvernement. C'est très important, parce que ça lui permet de fréquenter régulièrement le Caudillo. Dont il est proche. Oui, très proche. À l'évidence, Franco l'apprécie. Non seulement parce que c'est un gros travailleur, mais aussi parce qu'il ne semble lié à aucun des clans qui grenouillent au sommet du pouvoir. Ouais, un indépendant, en somme. Et une éminence grise. Dans l'ombre, Carrero règne sur l'économie, inspire la politique coloniale, et c'est également le premier flic du pays, même s'il n'en a pas le titre. Et ce n'est qu'en 1972 qu'il entre dans la lumière en devenant vice-président du gouvernement. Mais là n'est peut-être pas le plus important. Expliquez alors. Carrero a joué un rôle essentiel dans une affaire qui préoccupe au plus haut point Franco. Quoi ? Sa succession. Le Caudillo l'a donc chargé d'orchestrer cette délicate question. Et comme vous le savez, c'est le prince Juan Carlos qui a été choisi, à la fois pour être le successeur et le futur roi d'Espagne à la mort de Franco. Mais c'est Carrero Blanco qui aura pour mission de cornaquer le prince et d'assurer le changement sans heurts ni tensions. Grâce à sa connaissance de tous les rouages du pouvoir. Et c'est pourquoi, une nouvelle fois, Franco lui accorde sa confiance en le nommant président du Conseil en juin 1973. Mais la plus haute marche après celle où est juché Franco. Oui. Mais naturellement, cette nomination va lui valoir nombre d'inimitiés. Mais on en reparlera, car il me semble, vous l'avoir déjà dit, il existe de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. Alors, revenons aux faits. Il sort donc de l'église, hein ? Et observons au passage que le matin, son emploi du temps est immuable. Là, ça doit faciliter la tâche des terroristes. Hein ? Évidemment. Carrero monte dans sa Dodge noire qui stationne devant le parvis. Dispose-t-il d'une équipe de protection rapprochée ? Non, car je vous l'ai dit, il tient essentiellement à la discrétion. Donc, il est uniquement accompagné d'un chauffeur et d'un seul policier en civil. Comme tous les matins, la voiture s'engouffre dans la calle Claudio Coelho. À cet instant, la chaussée semble littéralement se soulever sous l'effet d'une énorme explosion. La lourde voiture est projetée à plus de 30 mètres du sol. Et sa carcasse atterrit sur la terrasse intérieure d'un immeuble. Ses trois passagers ont été déchiquetés. La charge explosive devait être énorme, hein ? Bah, les experts l'évalueront à 75 kilos de dynamite dissimulée sous la chaussée où un trou de 12 mètres de diamètre a été creusé. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que la rue offre un spectacle hallucinant. Et c'est un miracle qu'il n'y ait eu que très peu de blessés. Est-ce que le TA revendique l'attentat ? Pas tout de suite, non. Et dans un premier temps, on attribue sa responsabilité au parti communiste clandestin de Santiago Carrillo. Mais d'autres pistes sont évoquées, par exemple celle des phalangistes, la faction la plus extrémiste du franquisme, qui n'avait pas accepté la nomination de Carrero à la tête du gouvernement. On parlera même de la CIA. Enfin, j'y reviendrai. Alors, voyons d'abord concrètement comment les États-Races ont procédé. Ça faisait très longtemps qu'ils préparaient l'opération Ogre. L'Ogre. C'est ainsi qu'ils nommaient le bras droit de Franco. Sa surveillance a commencé dès décembre 1972. Ils ont d'abord pensé à l'enlever, afin de l'échanger contre des militants basques emprisonnés. Mais la nomination de Carrero Blanco au poste de président du Conseil le 9 juin 1973 va provoquer un renforcement de sa sécurité. Bah, ce qui n'est pas très évident, si j'en juge par ce que vous m'avez dit, il y a un seul policier présent à ses côtés. C'est vrai, mais on pouvait penser qu'au fil du temps, ça changerait. En tout cas, les dirigeants de l'ETA abandonnent leur première idée et ils se disent que le plus simple, c'est de l'éliminer. Commence alors une minutieuse préparation qui va prendre des mois. L'ETA a désigné un commando de 4 hommes, nom de code Tseka, à eux d'imaginer le modus operandi et de l'exécuter. Qu'est-ce qui est prévu alors? Je vous explique. En novembre 1973, un membre important de l'organisation, Acciulo, loue un sous-sol situé au 104 rue Claudio Coelho. Ouais. Ça, c'est la rue qu'emprunte la voiture de Carrero après que celui-ci est sorti de l'église. Et le trajet a été repéré à maintes reprises et même minuté. Mais enfin, je reprends. À partir de ce sous-sol qu'ils ont loué, les États-Races creusent un tunnel en direction de la rue. Mais ce ne doit pas être simple, il faut évacuer la terre. Et étayer régulièrement pour éviter que la galerie ne s'éboule au passage des véhicules qui circulent dans la rue. Mais le principal obstacle, c'est le bruit. Quoi, le bruit provoqué par le creusement? Bien sûr. Mais dans le voisinage et même dans l'immeuble, personne ne semble réellement s'en inquiéter. À commencer par le concierge qui est pourtant policier. Seul, les diplomates de l'ambassade italienne se plaignent du bruit de ces travaux qui sont effectués à des heures indues. Mais ce signalement reste sans effet. J'ajoute que ce quartier où se trouvent de nombreuses représentations diplomatiques et le domicile de plusieurs personnages importants est très surveillé. Ouais, mais alors personne ne remarque rien. Apparemment, oui. Autre difficulté pour les États-Races, l'odeur. C'est-à-dire l'odeur? La terre dégage des remugles très désagréables, mélange de gaz et d'humidité. Et les États-Races doivent prendre de nombreuses précautions pour empêcher que l'odeur de la terre entassée dans le sous-sol ne se répande dans tout l'immeuble. Ouais, je comprends. Et à quelle profondeur creuse-t-il, là? À 1 mètre sous la chaussée. Quelle longueur, le tunnel? Un peu plus de 7 mètres. Après l'attentat, lorsque les enquêteurs inspecteront l'ouvrage ou ce qu'il en reste, ils seront stupéfaits. Mais pourquoi? Mais parce que les terroristes ont fait preuve d'un professionnalisme étonnant. Non seulement le tunnel a été parfaitement étayé, mais la façon dont les explosifs ont été disposés au fond de la galerie indique que c'est un véritable artificier qui a conçu l'ouvrage. La charge, 75 kilos de dynamite, je vous le rappelle, a été placée de manière à sauter vers le haut. Et le fond a été bouché après la pose de la charge de façon à démultiplier la puissance de l'explosion. La conception de l'opération a donc été très ingénieuse. Incontestablement. Mais il faut aussi dire que les États-Races ont eu de la chance. Il y a d'abord eu ce signalement inutile des occupants de l'ambassade italienne. Et ensuite, on l'a appris plus tard dans la perspective d'une visite d'Henry Kissinger à Madrid, ce quartier où se trouvait aussi l'ambassade états-unienne avait été sécurisé. Et à cette occasion, des indicateurs de la police avaient repéré la présence des États-Races. Prévenu, un agent des services de renseignement de la garde civile avait envoyé un rapport à ses chefs. Il avait préconisé une visite du sous-sol en profitant de l'absence des locataires. Et réaction de ses chefs, alors? Rien. Ils n'ont pas donné suite, ce qui forcément alimentera les rumeurs. Mais pourquoi, alors? Parce que l'officier qui aurait pu commander cette perquisition a déclaré ensuite que s'il n'en avait rien fait, c'est qu'il avait reçu un ordre venant de très haut. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Monsieur X l'a dit, la responsabilité de l'attentat a d'abord été attribuée aux communistes, puis aux phalangistes. Mais voici ce que l'on peut lire dans une note du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. On accuse également l'URSS sur la base de dépêches de l'agence TASS qui prévenait Franco que si l'Espagne intégrait l'OTAN, elle devrait payer un prix élevé sous forme de multiples attentats. Enfin, on spécule également sur une convergence de toutes les forces terroristes d'extrême gauche. Certains soutiennent même que l'attentat a été commandité par des membres du gouvernement lui-même. Mais finalement, c'est donc l'ETA qui revendique l'attentat. La suite. L'objectif de l'attentat, selon ce qu'indique le communiqué de revendication de l'ETA, est d'intensifier les divisions au sein du régime franquiste entre les partisans de l'ouverture et les éléments les plus hostiles au changement. Selon des déclarations postérieures de l'un des membres du commando Chiquia, Carrero Blanco était une pièce fondamentale et irremplaçable du régime et représentait le franquisme pur. Carrero joue, à partir de 1951, un rôle fondamental dans l'appareil d'État et peut-être même effectivement considéré comme irremplaçable, car personne ne parvient comme lui à maintenir l'équilibre interne du régime, clé de la longévité de la dictature franquiste. Alors, si un ordre venu de très haut a empêché cet officier de renseignement de perquisitionner le sous-sol des États-Unis, c'est que ceux-ci bénéficiaient de complicité au sein même du pouvoir. Des gens qui voulaient éliminer Carrero. Pourquoi pas ? Mais je vous propose d'évoquer ce point un peu plus tard. En attendant, revenons aux conditions dans lesquelles l'attentat a été perpétré. Car je ne vous ai pas encore tout dit. Et d'abord, cette information importante. Les membres du commando, peut-être parce qu'ils n'avaient pas une confiance totale dans leur machine infernale, avaient aussi piégé une voiture stationnée dans la rue empruntée par la Dodge de Carrero Blanco. Et cette voiture a explosé ? Non. Le système de déclenchement a fait long feu. Et les enquêteurs n'ont découvert les explosifs que lorsque le véhicule a été conduit à la fourrière. Alors, venons-en justement au mécanisme de mise à feu. La veille de l'attentat, des électriciens déploient des câbles sur la façade de l'immeuble et les maisons voisines. Et vous l'avez deviné, ce sont des étaras déguisés et les câbles sont en réalité des cordons qui vont être reliés à des détonateurs électriques. Personne ne s'étonne. Eh bien non. Ah, ça c'est encore un nouveau coup de chance. Hein. Ah, on peut le penser, car il aurait suffi qu'un vrai électricien passe dans la rue pour découvrir le poteau rose et faire échouer l'opération. Ça fait quand même beaucoup, non ? Je suis d'accord. Le jour même de l'attentat, les membres du commando sont bien sûr présents. L'un, sans doute le chef de ce petit groupe, un nommé Argala, assiste même à la messe qu'entend Carrero. Dans l'église, donc. Un autre étara est posté au croisement des rues Diego et Claudio Coelho. Il attend l'arrivée de la voiture officielle du président du conseil. Mais c'est un autre homme qui doit donner le signal aux étaras chargés de déclencher l'explosion. Il se trouve à la fenêtre du troisième étage d'une demeure voisine de l'église qu'occupent des jésuites. Et c'est un religieux, lui aussi ? Oui, un jeune jésuite basque français. Il sera aperçu en train d'agiter un mouchoir bleu. Un geste bien visible de la rue Claudio Coelho. Et ça, c'est le signal attendu ? Ça semble certain. Mais il ne faut pas s'étonner. De jeunes ecclésiastiques basques ont déjà rejoint le mouvement. Quoi qu'il en soit, à l'exception de la voiture piégée qui n'a pas explosé, le mécanisme mis en place par les étaras a parfaitement fonctionné. Et la bombe, sans jeu de mots, provoque un véritable séisme dans le pays. D'abord parce que c'est le numéro 2 du régime qui a été frappé. Et ensuite parce que, jusqu'à maintenant, le TA n'avait jamais agi hors du Pays Basque. Mmh. C'est donc une manifestation de sa puissance et aussi de la solidité de ses infrastructures. Et aussi la preuve que l'organisation clandestine peut effectuer des opérations très sophistiquées, loin de ses bases naturelles. Mmh. Quelles sont les réactions provoquées par cet attentat spectaculaire ? Le vieux Caudillo semble sonner. C'est l'un de ses plus anciens compagnons qui disparaît. L'un des plus fidèles également. Et Franco semble si atteint qu'il n'assistera pas aux obsèques de Carrero Blanco, qui est fait duc à titre posthume. C'est le futur roi, Juan Carlos, qui préside la cérémonie. Toutefois, Il est certain que l'assassinat du président du Conseil provoque un resserrement des franquistes autour de leur vieux chef. Est-ce que ça va accélérer la fin du franquisme ? Incontestablement. Le caudillo est fragilisé. Dès le mi-temps de l'année suivante, il est hospitalisé. Puis ce sera à l'automne 1975, sa longue agonie. Oui. Et du côté de l'ETA, l'organisation indépendantiste y a gagné prestige et popularité, non seulement au Pays Basque, mais aussi dans l'opinion publique internationale, ce qui n'empêche pas de nombreux observateurs de se poser des questions. Ah oui, ces zones d'ombre-là que vous évoquiez. Oui, la principale interrogation étant celle-ci, l'ETA a-t-elle bénéficié d'une aide pour arriver à ses fins ? Et peut-être même de complicité au plus haut niveau. C'est exact. On s'est même demandé si des ministres n'avaient pas joué un rôle dans cette affaire. Mmh, avec quels arguments ? Des dignitaires du régime ne manquent pas de s'étonner. Est-il concevable que les services de sécurité n'aient rien remarqué des activités des États avant l'attentat ? Or, le jour même de l'attentat, une voiture banalisée de l'unité opérationnelle de renseignement du haut état-major stationne tout près de la rue Claudio Coelho. Alors, comme si on s'attendait à quelque chose. Ah, exactement. Mais aussitôt après l'attentat, il est ordonné à ses agents de rentrer au plus vite et surtout de ne pas faire acte de leur présence dans la zone. Ah, c'est aussi une façon de se couvrir, et de ne pas reconnaître une faille dans les systèmes de sécurité, oui. C'est possible. Toutefois, il y a plus troublant. Quelques semaines avant l'attentat, le directeur général de la garde civile avait prévenu Carrero d'un risque d'enlèvement qui concernait également son épouse. Mais le président du conseil n'avait manifestement pas pris ces informations au sérieux puisqu'il s'était refusé à renforcer sa sécurité. Mais justement, le devoir de ce directeur n'était-il pas d'imposer au président du conseil des mesures de protection plus strictes ? C'est sans doute ce qui se serait passé dans n'importe quel autre état. Mais là, non, rien. Carrero circulait dans une voiture qui n'était même pas blindée. Et il n'a pas modifié son trop prévisible emploi du temps. Ouais, ça a facilité grandement la tâche des États. Mais s'il y a eu des manquements au sein des services de sécurité, et sans doute même à un plus haut niveau, qui serait profité ? On pense en priorité à l'homme qui lui a succédé à la tête du gouvernement, Arias Navarro. Un homme politique très proche de la phalange et opposé à Juan Carlos. Alors, écoutez la suite, c'est très étrange. Au sein du gouvernement, un ministre en particulier s'interroge. Laureano López, pourquoi les services de sécurité n'ont-ils pas repéré ces états qui préparaient l'attentat dans une rue fréquentée quotidiennement par Carrero Blanco ? Et afin d'y voir plus clair, il prend sur lui de saisir le procureur général du tribunal suprême, un nommé Fernando Herrero. Et celui-ci décide d'ouvrir une enquête ? En effet. Mais à peine a-t-il commencé que le nouveau président du conseil, Arias Navarro, le nomme ministre. Résultat, il abandonne son enquête. Ah, c'était donc une façon flatteuse de le dessaisir et de l'écarter. Ça y ressemble, non ? Mais l'histoire n'est pas finie. Peu après, Herrero meurt dans un curieux accident de la route. Sa voiture a été écrasée par un camion. On n'en saura pas plus. Cependant, il faut ajouter à tout cela cette information que je vous ai déjà donnée. Un agent des services de renseignement de la garde civile avait averti en vain sa hiérarchie qu'un attentat était en préparation. Oui, alors on peut donc imaginer au minimum que si des personnages de premier plan n'ont pas participé activement au complot, ils n'ont rien fait pour l'empêcher. C'est ce que je crois. Mais ils n'ont peut-être pas été les seuls. De qui voulez-vous parler là ? Des Américains. En effet, selon certaines sources, l'ETA aurait reçu l'aide de la CIA dans la réalisation de l'attentat. On a même prétendu que la centrale états-unienne aurait fourni les explosifs à l'ETA. Ce que les États-Unis ont toujours démenti. Ah, mais alors, quel est votre avis ? Il n'est pas totalement impossible que la CIA ait eu connaissance du projet d'assassinat de Carrero. Pourquoi ? Je vous ai parlé de cette visite d'Henry Kissinger à Madrid. Comme à chaque fois qu'une importante personnalité gouvernementale états-unienne se déplace à l'étranger, une équipe de la CIA vient préalablement sécuriser les lieux où elle passera ou séjournera. En l'occurrence, ce sont 20 agents de la CIA qui débarquent à Madrid pour protéger le nouveau secrétaire d'État américain, Henry Kissinger. Celui-ci fera donc une visite officielle en décembre. et logera dans l'ambassade américaine située dans ce même quartier où Carrero Blanco trouvera la mort. Mmh. Or, quand les types de la CIA arrivent, les Etarras sont déjà au travail hein, dans le sous-sol de l'immeuble de la rue Claudio Coelho. En effet. Mmh. Donc, les agents américains auraient pu détecter ces travaux assez bruyants. Hein. C'est ce qu'on a prétendu. Mmh. Mais s'ils l'ont fait, ils se sont abstenus de prévenir les autorités espagnoles. Ce n'est pas certain. D'après un agent de renseignement, González Mata, la CIA aurait informé les services spéciaux espagnols d'un danger d'attentat. Mais si c'est vrai, ça prouve encore une fois qu'on n'a rien fait pour empêcher l'attentat. Et puis d'autre part, il faut s'interroger. Quel aurait été l'intérêt des États-Unis dans cette élimination de Carrero Blanco? Ça ne paraît pas évident. Si on sait que Washington a toujours considéré qu'en cette période de guerre froide, Madrid était un allié fidèle. Et un État résolument anticommuniste. Bien entendu. Et pourtant, les Américains commençaient à montrer des signes d'inquiétude. Pour quelle raison? Ils avaient observé que l'opposition, et surtout l'opposition communiste, montait en puissance. Et il leur apparaissait que Carrero serait incapable de maintenir l'ordre dans le pays lorsque Franco viendrait à mourir. Mmh. Est-ce que c'est crainte était avérée? En tout cas, elle existait réellement. En témoigne un télégramme confidentiel daté de janvier 1971, adressé au secrétaire d'État américain par l'ambassadeur à Madrid. On y lit que la disparition de Carrero Blanco serait ce qui peut arriver de mieux. Voilà au moins qui a le mérite de la clarté. Hein. Et cette visite de Kissinger, qui précède de très peu l'attentat, pourrait-il y avoir un rapport? Vous voulez dire que Kissinger serait venu à Madrid pour superviser la préparation de l'attentat? La coïncidence est quand même intéressante. Et puis, je vais pas oublier que deux mois plus tôt, le même Kissinger a fait tout ce qu'il a pu pour liquider le régime de Salvador Allende au Chili. C'est parce que vous avez mauvais esprit, monsieur Penaud. Non, rien ne permet sérieusement d'impliquer les États-Unis. Et l'ETA a toujours démenti vigoureusement toute implication de la CIA ou de Washington. Mais il est vrai que si ça avait été le cas, les Etarras ne seraient pas allés le crier sur les toits. Je vous propose trois livres si vous désirez aller plus loin. D'abord, ETA, histoire secrète d'une guerre de 100 ans de Jacques Masset chez Flammarion, paru en 2010. Puis, ETA, l'enquête de Jean Chalvidan, publié en 2003. Et du même, Secret d'État chez Picolec en 2012.